un truc qu'on fait. Y'a qu'ici qu'on sait le faire. Je te jure. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0 1 1 0 1. Ici on fait tout. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0. Ici on fait tout avec rien. C'est un truc tout con, tout simple, donc on va le dire en douceur. Maman seule, maman sait si la femme effleure. Elle fait tout avec rien, comme hier et tout à l'heure. Sentir la mer développe le flair. Depuis 5 siècles et tout à l'heure, on organise le taf. Clash t'es l'or, on a la formule pour rester. Babylone c'est jeter l'arme. Ça creuse le ventre comme le cerveau. Passer de 0 à 1. Sois pas aéri, s'il devient zèbre. Avec ce truc meuble à magicien. Ghetto tacticien, puisqu'on vit trop dedans pour calter d'ici. Un matelas, une chambre, v'là un dortoir. Un dieu mille peines, v'là de l'espoir. Et du suspense, si tous pensent m'avoir. Avec ma nullité et la tienne, j'aurais bien ce qu'ils craignent. Meuble à pire qu'un skinhead, juste avec ce petit stick. Même partie boulette, meuble à boule de neige dans leurs statistiques. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0 1 1 0 1. Ici on fait tout. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0. Ici on fait tout avec rien. En vérité, je viens du Paris gênant. Héritier original des radios Nova. Ratissant l'oseille comme si j'osais prévoir le prochain novembre. Elle dit la preuve vivante du génie que m'a mis Nova. J'ai vu ses impros dans leur livre de recettes. Ça change pas la crise vu la funeste des barrettes. 0-0-1 comme un Zaï. Roi, j'en ai refait la mode avec cette foi de mouton. Gars séché le Sahara. Paraît que je fume trop alors je feinte de m'aérer. Brillant de rester fraternel comme vive à plein sous un toit. T'as le flow V12-9 des Suzuki. Sans aucune science occulte, je vais trop vite dans la réflexion. Les calculs m'occupent peu de temps. On sait l'usage de l'argent rentré avant même de l'avoir. Hier fauché, demain fauché sans le faire voir. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0 1 1 0 1. Ici on fait tout. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0. La cave, le mic, la caille, rime pagaille. Bienvenue dans mon bunker, déchire ça de bon cœur. Puisque cirer des pompes a fait inventer le fonquière. Je pense avoir la formule qui repousse les frontières. Depuis que je me suis dit artiste, clash des Ali Depardis. Dans un sens à la braille, la France demande pardon. Je garde mon honneur avec la honte corsique. Comme la chance raccourcie. Si on a pour un, y'en a pour 10. Ça fait qu'à 12 piges, c'est la valeur de l'argent. La valeur de sa foi, donc rien d'impossible. Hey, connaître 3 cités, suffit à être manager. On fonde des empires sur des pays de ménagères. Je suis passé Dorothée à ce flot des ménageurs. 5 siècles pour passer ta chagrin de beauté. Donne-moi rien plus rien, je brave le monde à l'heure. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0 1 1 0 1. Ici on fait tout. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0. Ici on fait tout avec rien. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0 1 1 0 1. Ici on fait tout. 0 0 0 0 1 1 0 1. On fait tout avec rien. 0 0 0 0. Ici on fait tout avec rien. C'est sa mère.